Au sport. Le 22 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simple-Lettre Offer de Saint-François, l'équipe novestie des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Club Piscine Sherbrooke à 13h30 à Hastings. Pour sa part, l'équipe Atom Height à Stansted pour affronter les Jets Frontières à 11h30. Le 24 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Salora reçoit la Frontalière de Quaticook à 16h à l'Arena Robert-Fournier d'Hastings.